17-8, observation, métier, au masculin et au féminin. Un pharmacien. Une pharmacienne. Un technicien. Une technicienne. Un esthéticien. Une esthéticienne. Un informaticien. Une informaticienne. Un musicien. Une musicienne. Comparé avec canadien, canadienne. Notez que beaucoup de noms de professions en CIEN sont récents. Ils ont généralement un équivalent féminin.